La belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans cette émission La Belle Découverte. On est ensemble jusqu'à 18h30 et on va parler aujourd'hui de John Slide et aussi un petit peu de Jayadeva puisqu'on vous fait cette surprise pour Noël. Effectivement, c'est pas un mais deux artistes dont on va parler aujourd'hui, donc deux sorties d'albums. Ce qui serait sympa, c'est qu'on parle un petit peu justement de John Slide, l'artiste dont on va parler, ou plutôt les artistes, puisque John Slide c'est avant tout six musiciens, donc c'est une rythmique basse, guitare, batterie, clavier, chant. Jusque là tout va bien, on a rajouté à ça deux cuivres, trombone et trompette, comme souvent dans les groupes de ska. Alors tout débute en 1998 où entre ska à l'ancienne et new ska, les John Slide aussi, ils ont su mettre le paquet, notamment par la sortie de leurs trois premiers albums. Alors c'était au tout début en 99 avec Cannibal Street, ensuite en 2000 avec Tranquille, Pastaga et Rouflaquette. Je trouve ça assez sympa comme nom d'album. Et puis deux ans plus tard, en 2002, un opus voit le jour qui s'appelle Danger and Pressure et John Slide commençait à être bien connu. Et puis après quelques années de silence, ils sont de retour et là ils nous ressortent un tout nouvel album qui s'appelle Never Knocked Out. C'est chaud à dire en anglais, Never Knocked Out. Donc c'est sorti en avril de cette année et on vous en parle maintenant puisque justement ils vont prendre les routes de France et de Navarre pour vous faire découvrir leur style musical. Alors c'est du ska revival, two tone ska 60s, donc ça c'est l'ami Toom qui vous en parlera en milieu d'émission. Il nous fait un petit récapitulatif sur le ska anglais et sur l'introduction du ska en Angleterre. John Slide, ça redonne un nouveau souffle à ce style et on le partage sur scène avec un show rythmé, cuivré, dansant et festif. C'est l'habitude hein, des groupes de ska de mettre l'ambiance et on appelle ça souvent du ska festif. Alors John Slide, c'est plus de 400 concerts depuis 98 quand même, aux côtés de The Selector, Desmond Dekker, les Gladiators, The Toaster, il y a Tokyo Ska Orchestra également. Donc voilà, ils aussi, entre l'anglais et le français, il y en a pour tous les adeptes de skanking music chez ces parisiens-là. On retrouve notamment sur l'album Never Knocked Out un certain Dr. Ringding en guest. Ça dit quelque chose, Toom, Dr. Ringding? Ring ding ding ding? Bah bien sûr que ça me dit quelque chose. Et bah voilà. Bon, on vous en a parlé, on vous a expliqué un petit peu ce que c'était. On va vous faire écouter justement ce que c'est que du ska avec John Slide et la chanson Mouloud. Choice, but no way. La belle découverte, 18h-18h30. Nous sommes de retour dans La belle découverte et on vient d'écouter John Slide et la chanson s'appelle Mouloud. Qu'est-ce qu'on peut noter de particulier, Anthony, sur cette chanson ? Je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a quand même une vraie richesse vocale, d'une part dans la première partie avec un chanteur plein de chœurs qui forment une espèce de mini-chorale. Encore une fois, on va parler d'accords, ils s'harmonisent tous très bien entre eux pour former une vraie belle mélodie. Dans un second temps, forcément, le personnage de Mouloud, on aura reconnu les thèmes un peu plus arabisants, un peu plus orientaux comme ça, et du coup avec une voix un peu plus lyrique presque, une mélodie qui coule très bien et qui va nous faire basculer d'ambiance dans la chanson en plein milieu, et après les deux se rejoignent et ça forme un mélange assez intéressant. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des chansons au rythmique ska qui introduisent une mélodie justement orientale comme ça, donc c'est pour ça qu'on voulait vous la faire découvrir cette chanson là. Il y a pas mal de choses à noter, tu vas nous sortir un gros mot il me semble. Ouais, moi j'ai remarqué pas mal d'ostinato. Ouais, et pourquoi pas osons la déclinaison des ostinati, du coup. Ok. Je pense qu'il faut que j'explique ce que c'est qu'un ostinato. Oui, c'est bienvenu, carrément, ouais. Alors, un ostinato, c'est plus communément appelé une répétition, en fait. Par exemple, un ostinato qu'on va appeler harmonique, c'est ce qu'on appelle plus communément une grille. Le même schéma d'accord qui va revenir tout le temps. Il y a aussi un ostinato rythmique. On voit bien que les percussions font quasiment toujours la même chose. Un ostinato de la basse aussi, malgré un petit changement de rythmique de temps en temps, fait toujours les mêmes notes. Et on voit bien aussi que le thème du début, où le chanteur chante avec les choristes, il revient super souvent tout au long de la chanson. Sauf au moment où Mouloud fait son solo magnifique. Donc voilà, le mot du jour à retenir et à placer en repas de famille, notamment ce soir pour Noël, si jamais vous nous écoutez sur la diffusion du 24, et ce sera ostinato. Voilà. Ça vaut pas beaucoup de points au Scrabble par contre. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 dans ce label découverte consacré à Jaya Deva et surtout à John Slide qui sort l'album Never Knocked Out. Et on va s'écouter du coup Holy Girls, la chanson de John Slide, et on se retrouve juste après pour que le Sieur Toom nous explique un petit peu comment est arrivé le ska en Angleterre. Oh, I can try. Hey, you can try. Hey, we can try. Try. Le ska est arrivé en Angleterre dans quelles conditions, monsieur Toom? Alors déjà, on va faire une petite histoire. Qu'est-ce que le ska? En fait, le ska, c'est une histoire musicale qui existe depuis plus de 60 ans maintenant. Ça démarre au départ en Jamaïque, à la fin des années 50. Au départ, c'est vraiment un brassage entre différents styles de musique jamaïcains, comme le mento et le calypso. Au départ, c'est quand même une musique plutôt rapide et syncopée, qui se caractérise par l'usage régulier du contretemps. Voilà, le poum-tchak, poum-tchak, poum-tchak. Alors, on va commencer officiellement à parler de ska à partir des années 60. Et là, le ska va vraiment devenir une musique populaire en Jamaïque. Alors, on va parler d'artistes voilà, comme Prince Buster, Desmond Dekker, mais aussi Bob Marley. Eh ouais, Peter Tosh, Toots and the Metal. En fait, tous ces artistes-là ont fait connaître et grandir le ska. D'ailleurs, très peu de personnes savent que c'est en fait le ska qui a inspiré le reggae et pas l'inverse. Le reggae est très connu, mais à la base, le ska est un peu à l'origine de tout ça. Effectivement, d'ailleurs, bah Bob Marley avait un groupe de ska avant d'avoir un groupe de reggae. Parce que simplement, les Wailers, juste avant, avaient commencé par du ska. Alors en 1962, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'indépendance de la Jamaïque. Et de nombreux musiciens jamaïcains vont partir en Grande-Bretagne pour essayer de gagner un petit peu de thunes. Eh oui. Bah ça se comprend. C'est des nouveaux styles qui vont arriver en Angleterre, mais qui, même si en Jamaïque, on va continuer à faire connaître le ska, notamment à travers des groupes comme les Skatalites. Il y aura un style comme le rocksteady, mais aussi le style du skinhead reggae, qui vont un peu révolutionner le genre. Il y a des titres qui ont été interprétés par Desmond Dekker, comme Israelites et Shanty Town. Les plus connus, ouais, Shanty Town. Voilà, c'est vraiment des titres qui vont cartonner dans les charts anglais. Et d'ailleurs, des artistes comme Shaggy s'inspirent encore beaucoup de ces chansons-là. D'ailleurs, il y a eu des reprises un petit peu partout, même Sean Paul reprend du Shanty Town, c'est un peu fou hein. On n'imagine même pas le nombre de styles qui sont influencés par le ska, on ne sait pas forcément, avec le contretemps, c'est un truc qu'on utilise tout le temps. 20 ans plus tard, là il y a une nouvelle vague dans le ska qui va arriver et qui va modifier un petit peu le genre. Entre temps, la Grande-Bretagne aura connu la fameuse période punk. On pourrait parler notamment des Clash qui ont été très influencés par le reggae, mais c'est vraiment le groupe The Specials. Yeah. Qui va tout donner pour cette vague en créant le label Two Tone. Tu en as parlé vite fait tout à l'heure. Enfin, t'as parlé de Two Tone, mais c'est un label à la base qui a été créé par The Specials et qui va fédérer des artistes de malades comme Madness, English Beat et Selector. Le ska lent qui était revenu un petit peu avec le skinhead reggae ne sera plus vraiment un ska lent, mais ça va se transformer en un ska très rapide avec une abondance de cuivre. Et puis à l'instar du punk, le ska anglais, ça va être le symbole d'une classe ouvrière un peu révoltée, même très révoltée. Et ce sera aussi le symbole de la lutte contre le racisme. Dans le ska, on voit souvent un symbole qui est donc le damier noir et blanc. Donc c'est vraiment le symbole de la lutte anti-raciste. Ouais. Voilà, quoi. Et il y a aussi différentes choses. Il y a aussi un style très particulier, des rude boys en fait, un style vestimentaire très particulier. Alors voilà pour ce qui est du ska en Angleterre, aujourd'hui le ska c'est un style qui est réutilisé dans tous les genres musicaux, on parle même de ska jazz, de ska swing, de latino ska, de ska punk, et j'en passe et des meilleurs, voilà, en cette période de crise, moi je vous le dis, on n'a pas fini d'escanquer. En cette période de crise, on n'a pas fini d'escanquer. Ça marche, ouais, une petite info, c'est vrai qu'on savait pas ça particulièrement, mais c'est vrai que c'est le groupe The Special qui a lancé un petit peu l'idée du damier noir et blanc, parce que ne serait-ce que dans leur groupe, il y avait des blancs, un chanteur blanc, et puis des musiciens noirs et des musiciens blancs. Donc c'est comme ça qu'ils ont un petit peu... C'est pour ça que le ska est un brassage à tous les niveaux. Effectivement. Et ben merci beaucoup Toom de nous avoir expliqué un petit peu comment est arrivé le ska en Angleterre et dans quel contexte. On va passer à quelque chose de totalement différent puisque là on va écouter Jayadeva. Jayadeva c'est un groupe qui a pris racine dans le sud de la France et qui est un groupe de ska et de reggae, principalement de reggae de manière générale. Et là, ils nous ont gratifié pour Noël, et ce sera notre cadeau à la Belle Découverte, de tout un album qui reprend des chansons de Noël. Et on va s'écouter justement We Wish You a Merry Christmas en version reggae, et on en parle juste après avec Anthony. We wish you a Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas and a reggae New Year. Découverte, 18h-18h30. Nous sommes de retour dans La Belle Découverte et il y a pas mal de choses à dire justement sur cette chanson. En premier lieu, on a cru entendre un vibraphone. Alors c'est là que toi tu vas pouvoir nous éclairer, Anthony. Quelle est la différence entre un vibraphone et un xylophone, puisque j'ai appris que ce n'était pas du xylophone? Non, et c'est pas du tout la même chose, parce que effectivement le xylophone, donc tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un instrument qui est en bois, donc avec un son un peu plus rond, un peu plus chaud, et le vibraphone ou métallophone, donc en métal, et donc un son beaucoup plus métallique et beaucoup plus sec. D'accord, donc c'est ça qui fait la différence entre un vibraphone et un xylophone. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'était simplement ce qu'on appelle le gimmick ou la mélodie qui a été reprise au vibraphone. Il y a des thèmes qui sont un peu comme ça développés par les différents instruments. On entend aussi très bien des chœurs de femmes qui reprennent la mélodie du chant dans des parallélismes un peu au-dessus qui donnent des harmonies assez intéressantes qui sont déjà d'ailleurs ces harmonies-là dans l'original et qui sont repris là avec des rythmes plus reggae et donc plus saccadés. Ouais. Et d'ailleurs des rythmes plus reggae, si je ne dis pas de bêtises, moi j'ai cru entendre une petite partie qui s'apparentait un petit peu à de la dub. Alors justement, pendant la chanson, nous on cherchait à savoir comment définir de la dub, c'est un peu compliqué comme truc. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait donc de la batterie et de la basse, c'est pour ça qu'on aurait pu appeler ça un drum and bass, mais on s'est fait la réflexion qu'un drum and bass, souvent c'est beaucoup plus rapide, donc finalement, on a dit que c'était de la dub. Chacun en pense qu'il en veut. Puis en plus, la dub, il y a tellement de formes de dub que c'est un peu la case passe-partout. C'est clair. Alors pour ceux qui se poseraient la question, justement, c'est vrai qu'il n'y a pas de cuivre sur cette chanson, en tout cas. De manière générale, chez Jaya Deva, il y a qu'un seul cuivre qui est très souvent présent. Par contre, c'est le tromboniste. Il a un rôle prépondérant dans le groupe. Ça s'entend d'ailleurs sur d'autres chansons qu'on vous fera peut-être découvrir à l'occasion d'un nouvel album. Mais là, c'est vrai qu'il n'est pas présent sur ses reprises de Noël, en tout cas sur cette chanson-là. En même temps, je sais pas si ça aurait rajouté quelque chose de positif. Bah écoute, moi, pour ce que j'ai entendu de l'album, ça me semble être vraiment la chanson la plus reggae dans le sens tradition un peu jamaïcaine. Pour vouloir conserver peut-être cet esprit de Noël, ils se sont dit que vu que justement c'était très reggae, ils ont pas voulu surcharger en instruments un peu puissants comme ça, comme le trombone ou la trompette. Par contre, dans d'autres chansons de l'album, il y a des solos de trompette, de saxophone. C'est un choix du groupe. Alors, est-ce que c'est effectivement pour conserver cet esprit de Noël? En plus, We Wish You a Merry Christmas, c'est presque le chant de Noël le plus connu, donc peut-être pour pas trop le dénaturer finalement. Et bah tiens, justement, tu disais qu'il y avait des cuivres sur d'autres chansons de l'album spécial Noël. On va peut-être s'écouter une deuxième chanson. Pourquoi pas? Moi, j'avais trouvé que Home Alone était très intéressante, ou Silent Night aussi est très intéressante. Ok, bah du coup, on écoute Home Alone. It's me. Change, you filthy animal. Alors, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être reconnu justement le thème principal de Maman, j'ai raté l'avion, qui en anglais s'appelle Home Alone, et c'est d'ailleurs le titre de la chanson. On a bien reconnu justement le thème. Tu me disais, Anthony, que ça te faisait penser par moments à du Tim Burton. Comment on peut expliquer ça? C'est les instruments comme la flûte ou le vibraphone qui créent un peu une ambiance entre un peu austère et en même temps qui rappelle un peu les cloches de Noël, mais c'est ça, un peu psychédélique, un peu ouais. Comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, ouais, c'est vrai. Et on retrouve souvent ça, même dans Big Fish, il y a toujours cette même atmosphère là au niveau des films de Tim Burton. Donc du coup, ce serait le vibraphone et la clarinette qui fait la flûte qui fait ses petites montées, ses petites notes vite comme ça. C'est vrai que ça fait assez sombre finalement pour des chants de Noël, c'est assez bizarre d'avoir créé une ambiance comme ça, mais en même temps ça a vraiment son effet quoi. Ouais, et puis ça donne justement un truc en plus à la chanson, et c'est assez chouette. En plus au niveau de la construction, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il commence la chanson sur l'espèce de fanfare en fait, sur la formation cuivre. Ensuite on entend, alors tu m'as dit une flûte, c'est quoi la différence entre une flûte et une clarinette? La clarinette c'est un bois qui joue avec une hanche, et la flûte c'est un tube aussi mais métallisé gris qui se joue sur le côté comme ça, la flûte traversière. Voilà. Donc là c'est une flûte traversière. Ouais, ça c'est une flûte traversière. La clarinette a un son beaucoup plus proche, on va dire, du saxophone, puisque c'est un bois aussi. Du coup on disait qu'il y avait de la flûte, il y avait du vibraphone pour les thèmes, il y a la formation de cuivre. Il y a quoi d'autre encore qu'on peut noter? Dans la formation de cuivre, c'est vrai que ça fait vraiment très fanfare, c'est vraiment une construction qu'on appelle harmonique. Tous les instruments forment des accords. De mémoire, la trompette qui est au-dessus, et donc elle fait le thème, la vraie mélodie. Et en dessous, en fait, c'est des parallélismes aux autres instruments où il y a des saxophones, il y a des trombones, et qui en fait remplissent l'harmonie pour former des accords, et ça fait vraiment du coup fanfare harmonie. Donc est-ce que j'ai faux quand je dis que par rapport à la trompette qui fait le thème, les autres suivent en faisant des tierces ou des quintes ou ça... En fait c'est la formule la plus classique d'un accord. En fait un accord est construit de trois sons, la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc selon où la mélodie est située, si c'est une mélodie à la quinte, après t'auras la tierce et la fondamentale en dessous aux autres instruments, vice versa si c'est la tierce qui a la mélodie ou si c'est la fondamentale qui a la mélodie. On peut noter aussi que par exemple sur cette chanson Home Alone, il y avait de la trompette et il y avait un solo de saxo, c'est ça? Il y a un solo de saxophone, donc juste après ce petit moment assez psychédélique avec la flûte qui nous plonge un peu dans une ambiance un peu plus austère, donc il y a le solo de saxophone et la trompette ensuite qui prend le relais pour un autre solo après le saxophone qui pareil elle emmène encore plus loin du thème pour revenir finalement à la fin avec cette fanfare qui nous ramène dans l'ambiance de Home Alone et de Maman j'ai raté l'avion. Et ben voilà, c'était deux chansons de Noël sur l'album de Jaya Deva spécial Noël, donc deux chansons assez différentes, une instrumentale et l'une chantée, et on notera qu'une des deux chansons est nettement plus reggae et que l'autre est un petit peu plus jazzy, donc c'est le même groupe mais c'est deux choses totalement différentes. Voilà, c'est maintenant la fin de ce label découverte qui était consacré à John Slide ainsi qu'à Jaya Deva en fin d'émission. On vous souhaite de très bonnes fêtes en ce jour particulier. Et puis, sachez que vous retrouverez Aurélie pour Sous Toutes les Cultures juste après, là. Et le menu étudiant à 19h30. Très bonne soirée sur Radio Fadjet et plein de poutous. Poutous !